Donc, Galates, chapitre 6, verset 11. Qui pourrait me donner un résumé de l'Épître aux Galates? Qu'est-ce que vous vous souvenez de l'Épître aux Galates, au moins? Dites-moi un petit peu que c'est un encouragement en tant que prof. Les Galates étaient en train de se faire enseigner qu'ils devaient retourner à la circoncision. OK. Donc, il y avait venu des gens dans l'Église qui voulaient les amener à se faire circoncire. Puis, ils disaient quoi pour les amener à se faire circoncire? C'était quoi leur moto? Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Si vous ne faites pas circoncire, vous ne serez pas sauvé. Donc, c'est pas mal fort. Mm-hmm. C'est, pour un chrétien, c'est ce qui est le plus fort. Si tu me dis que tu n'es pas circoncis, tu sois moins béni, tu ne seras pas circoncis. Ça fait de quoi, mais c'est pas comme. Si tu ne fais pas circoncis, mon chum, tu ne seras pas sauvé. Là, tu prends le point sensible pour les chrétiens. Chez les chrétiens. Et donc, automatiquement, c'est important. Et donc, l'apôtre Paul donne des arguments tout au long de l'épître. Il donne des arguments pour les garder dans la vérité. Alors, souvenez-vous certains arguments qu'il a donnés. Une des premières qu'il avait dit, c'est... Marcher selon l'Esprit, non. J'étais pas là, les premières. Dans les premières, il a dit, l'évangile que lui avait reçu, c'était l'évangile qui venait pas des hommes, mais qui venait du Seigneur lui-même. Hein? Ce que j'ai reçu, je l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu de Jésus directement. Et ce que je vous ai donné, donc, c'est l'évangile pur, parce qu'elle vient de Jésus directement. Okay. Pour ça, il dit que l'évangile qu'il avait donné était aussi apostolique. Il dit qu'il était allé à Jérusalem, qu'il avait reçu l'appui des apôtres, qui avait reçu la main d'imposition de la part des apôtres, comme de quoi, oui, ce que tu dis, c'est correct. On a vu même qu'il avait repris Pierre, comme de quoi que son évangile était quelque chose qui... Comment est-ce qu'il s'était mis... Il ne s'est pas mis sous l'autorité des apôtres, il s'est mis sous l'autorité de Jésus, premièrement. Donc, je n'ai pas demandé à personne que quoi dire, j'ai reçu de Jésus, puis je me suis mis à prêcher. Et même quand Pierre est venu, j'ai dit à Pierre, tu te trompes, Pierre, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Donc, on voit que Paul avait comme une autorité par-dessus, même les apôtres. Pas qu'il dénigrait les apôtres, mais il est en train de dire, même si les apôtres, parce qu'il dit, même si les apôtres donneraient un autre évangile, je vais rester avec la mienne. Parce que j'ai reçu de Jésus direct. C'est pas mal fort. Hein? C'est vrai que si tu dirais, comme François Nett a dit ça, ou Jeff Lorrain a dit ça, non, la Bible a dit ça, puis on va rester avec la Bible. Tu sais, ce sera ça pour nous autres, l'autorité par-dessus. Parce qu'on sait que l'être humain est... l'être humain est comme... pas infaillible, il est faillible. C'est ça que je veux dire. L'être humain est faillible. Il se trompe, même dans toute sa bonne volonté, même s'il prie jour et nuit, il se trompe parce qu'on voit à travers l'histoire que les chrétiens se trompent. C'est correct. On est humain. Et on se protège les uns les autres en se reprenant, en s'exhortant, en faisant partie d'un groupe. Il y a une certaine forme de protection dans le groupe. Hein? Donc, le groupe dit « Hey, qu'est-ce que tu dis là? Hey, faut chercher ça. » Il y a une forme de protection. Et Paul, lui, vu qu'il était un apôtre, l'apôtre des gentils, donc ça aussi, il a mis ça comme argument. Moi, j'étais nommé apôtre des gentils. Donc, j'ai une autorité que les apôtres n'ont même pas, que Pierre n'a même pas parmi vous autres. J'ai une autorité d'apôtre parmi vous, que Jésus m'a envoyé directement à vous. Donc, c'est tous des arguments qu'il a emmenés au courant de son épître pour les fortifier, pour les gagner à rester avec la vérité attachée. Et on a vu aussi qu'il disait qu'il a parlé de... On est de la femme libre, puis il y avait la femme esclave qui était à Agar. Il a dit, nous, on fait partie de la... On est des descendants d'Abraham, des descendants de Sarah, parce qu'on a la foi. On n'est pas sous la loi, mais sous la foi d'Abraham. Et donc, il a tout emmené ces arguments-là tranquillement en s'en allant. Et il a emmené aussi que, même si on se mettait sous la loi, on n'était pas capable d'observer la loi. Donc, on est mieux d'être sous la grâce, parce que la grâce nous donne la liberté, elle, de ce sens-là. Puis, il avait dit que ceux qui se font circoncire, vont être tenus d'observer toute la loi. Donc, il dit, vous avez le choix entre la loi et ou la grâce. La grâce. C'est ça. Et quand, dans cette petite épître de 6 chapitres, Paul parle de la circoncision à plusieurs reprises. Et le mot circoncision, dans le contexte de Galates, souvenez-vous de ça, c'est le compte, ça veut dire être sous la loi. Si tu te fais circoncire, c'est de tu te mets sous la loi. Puis après, il y a une autre expression qui est équivalente. C'est le mot chair. Si vous retournez à la chair, ou si vous mettez sous la chair, vous êtes agréable selon la chair. Donc ici, des fois, le mot chair est attribué dans le sens la partie de nous qui fait des péchés. Mais ici, dans le texte, c'est pas tout à fait ça. C'est la chair dans le sens que si tu vas si tu te mets sous la loi, tu te mets sous la chair pour être sauvé. Donc tu vas essayer par la chair d'être sauvé et ça ne marchera pas. Donc la chair, on a vu il y a quelques semaines que la chair, elle produit seulement le péché. Donc si vous retournez à la loi, si vous retournez à la chair, vous êtes fait à l'os parce que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous dites. Vous n'êtes pas capable de faire ce que vous dites. Puis il va le répéter ce soir, on va le voir ensemble. Dans Galates 2, il dit « Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Donc, il est en train de dire « Si les gens vous demandent de vous faire circoncire, moi j'étais avec Tite à Jérusalem, il n'a même pas obligé de se faire circoncire. Et les apôtres n'ont même pas demandé de se faire circoncire. Pourquoi tout d'un coup les apôtres envoyeraient quelqu'un qui vous demandait de vous faire circoncire quand moi j'étais allé là-bas avec Tite et ils m'ont pas demandé à Tite de se faire circoncire? » Il y avait un illogisme. Ils ne sont pas conséquents, les apôtres, c'est ça qu'ils font. OK? Dans Galates, il dit au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Vous voyez, il fait une séparation entre les circoncis, les incirconcis. Et tout ça, ça revient constamment dans l'épître. Circoncis, pas circoncis, la circoncision, l'incirconcision, pour que il sépare ceux qui se font circoncis pour être sauvés et ceux qui ne se font pas circoncis pour être sauvés, qui n'ont pas besoin. Paul n'est pas contre la loi. Pourquoi il n'est pas contre la loi? Il n'est pas contre le. Mais il est contre qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la loi. Okay? Et il dit au Galates 5, verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et c'est fort ce qu'il dit. Mm-hmm. Si vous vous faites circoncire pour être sauvé, Jésus-Christ, vous l'enlevez de la carte. Il ne fait plus partie de l'équation. Ça veut dire que si c'est la loi qui vous gouverne, ça ne peut pas être la grâce. Non, ça ne peut pas. Ça peut pas faire les deux. Il faut faire attention. Paul, vous allez voir, quand vous lisez les actes, il fait des vœux, il va faire des sacrifices au temple. Ouais. Il est sauvé, là. Okay? Ouais, ouais. Puis les Jacques, qui dit, « Hey, Paul, va donc faire... va donc, faire ton vœu, puis paye pour les autres chrétiens qui sont allés faire un vœu aussi. » Donc, ils font des... Puis Paul, il dit à une place, il dit, « Faut que je m'en aille à Jérusalem parce que je veux être là pour la Pentecôte. » Puis Paul, il n'est pas contre que les Juifs continuent à aller au temple et faire des sacrifices. Il n'est pas contre ça. Il est contre si on dit qu'il faut faire ça pour être sauvé. Que c'est une obligation. Tout pour être sauvé. Okay. Même s'il dirait, vous êtes obligé de faire des sacrifices en tant que juif, chrétien, ce ne sera pas grave, encore que ça dise ça. Pour être sauvé, c'est là qu'il décroche. Okay? Il dit, aussitôt qu'ils ont commencé à dire ça, là, Paul a commencé à rentrer des arguments, non, là, je ne veux pas. Okay, là, je compte ça. Et là, c'est important de comprendre ça, parce qu'on va voir des frères, des sœurs qui vont faire des choses, qui croient que Dieu leur a demandé de faire, mais c'est pas grave, ça. On peut vivre avec ça. Tant ou tant qu'ils ne disent pas, il faut que tu le fasses pour être sauvé. Et si là, ils nous disent ça, là, on décroche. Okay, là, on décroche. Là, on rentre en argument. Là, même, on met dehors de l'Église. Là, on expulse de l'Église si on met ça. Parce que là, on change l'Évangile. Okay? Et donc, c'est vraiment important de penser cela. Et ce soir, le texte qu'on va lire, Paul va comme résumer toute son affaire. Okay? Il va tout résumer son affaire. Il va mettre il va terminer son épître en essayant une dernière fois de planter le clou, comme on dit, pour que les Galatiens finalement disent OK, on en reste à l'Évangile pur et dur avec Jésus-Christ. Okay? Donc, Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc l'apôtre Paul il dit ici, ne vous faites pas circoncire. Ne vous faites pas circoncire. Et c'est aussi comme on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne retournez pas à la loi. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent ici. Okay? Si vous retournez, si vous faites ce conseil pour être sauvé, si vous retournez à la loi, c'est la même chose ici. Donc, c'est comme on pourrait dire pour nous autres, parce que je ne crois pas que c'est le problème au Québec que les chrétiens veulent se faire circoncire. Mais il y a des tendances à vouloir retourner à la loi. Okay? Il y a toujours des tendances dans l'Église à vouloir retourner. C'est toujours dans l'Église. C'est toujours présent dans l'Église. Ça commence, il n'y a jamais comme un virage complet dans l'espace de 6 mois. C'est toujours sur une période de 50 ans, 100 ans, que l'Église va faire ce virage-là. Soit elle va devenir complètement libérale, dans le sens qu'elle va même dire que Jésus n'est peut-être pas Dieu, ou alors elle va se retourner complètement vers la loi, elle va devenir très, très prosélyte, très, très, pas prosélyte, mais pharisénique, très, très légaliste. Légaliste, pour moi, le deux sens, faut prendre, dans le sens que légaliste, dans le sens de. Le mot légaliste, pour moi, a un sens négatif quand on dit qu'on retourne à la loi pour être sauvé. OK, tu te tournes à la loi. Puis le mot légal. Des fois, le mot légaliste est employé dans nos églises comme des gens qui ne vont pas au théâtre, ne prendront jamais de boisson. Des fois, on va dire, il est légaliste, lui, là. Tu sais, dans le sens que. Ben, ça ne veut pas dire qu'il fait ça pour être sauvé. Faire attention. Quand les gens disent, tu es légaliste. Faut que tu te fais dire ce que tu veux dire là. Si tu dis que j'essaie de me sauver par mes œuvres, ben non, tu essaies de dire que je fais des choses que pour toi, je ne suis pas obligé de faire, je ne devrais pas faire. Il faut faire la différence entre les deux. Et les deux termes sont employés dans les églises avec une connotation différente. Une est vraiment à bannir de l'église de façon complète. L'autre, on peut vivre avec. On peut vivre avec. Okay. Dans ce sens-là. Et Paul va dire des raisons pour lesquelles on ne devrait pas retourner à la loi. Première raison, au verset 12, il dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. » Première raison, c'est que les gens veulent être agréables aux autres. Ils veulent être agréables, plaire aux autres. Ici, ces chrétiens-là, parce que ces gens qui sont venus, ils n'ont pas dit « Jésus-Christ, c'est pas vrai. » Ils ont dit « Jésus-Christ, c'est très vrai. » Il est mort pour nous sauver, mais il faut être circoncis en plus. Ils rajoutaient. Les autres, il y a des épîtres, ils dénigrent complètement Jésus-Christ. Les autres, c'était, ils rajoutaient quelque chose à Jésus-Christ. Ça, c'est plus tendance dans l'Église. On rajoute. Hier, quand j'ai enseigné ça à Rondel, il y a une sœur qui a partagé que dans l'Église qui ont été élevées, c'est que si tu n'allais pas à l'Église le dimanche, ils mettaient en doute ton salut. Ils ne disaient pas, tu vas être sauvé si tu vas à l'Église. Mais si tu es sauvé, tu vas aller à l'Église tous les dimanches. Première chose, par-dessus toute chose. Tu ne vas pas travailler, tu n'iras pas te promener, tu vas aller à l'église, c'est ça la première chose à faire le dimanche. Parce que c'était devenu tellement fort que si tu n'y allais pas, ils commençaient à demander si tu étais chrétien ou pas. Donc, c'était sauvé. Tu rajoutes là, tu sais. C'est pas biblique, ça, là. Ben non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Mais les autres, ils sont très, très bibliques. Tu très, très biblique. Donc, là, ça devient finalement que si tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas sauvé. Comme si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. OK? Donc, comme dans ce temps-là, il n'aurait pas dit tu vas être sauvé juste par la circoncision. Non, les autres disaient Jésus-Christ, là, mais la circoncision est utile aussi. Les autres disaient Jésus-Christ nous a sauvés, mais il faut aller à l'Église. Donc, c'est très subtil dans l'Église. Ça vient toujours petit à petit. Puis le premier qui pousse, comme M. Torrey, vous connaissez M. Torrey? On l'appelle le père du pentecôtisme. Des années 1900, quand lui a parti certaines expériences par rapport au Saint-Esprit. Je suis certain que s'il verrait ce qui se passe aujourd'hui, il ne serait jamais d'accord avec ça. Mais pourtant, on l'appelle le père du pentecôtisme. Lui a poussé dans une direction, mais après ça, ils ont poussé. Et finalement, c'est devenu tellement loin dans une direction, parce que on peut être chrétien sans avoir le Saint-Esprit, finalement. Il y en a un mouvement qui dit ça. On est chrétien sans. Tu es chrétien, tu es sauvé. Mais tu n'as pas reçu cet esprit encore. Tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Cet esprit n'est pas venu en toi encore. Donc, c'est vraiment loin, parce que Paul dit dans Corinthiens, chapitre 8, Si tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas, pas enfant de Dieu. Donc, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que quand tu es chrétien, Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple de Dieu, automatiquement. Donc, toujours, ça fait toujours par se glisser sur les bords. Toujours, il faut faire attention, toujours revenir. Il dit, ils veulent, ces gens-là veulent être agréables à qui? Il dit, ils veulent se rendre agréables, selon la chair, d'autres à d'autres hommes. Aux autres qui sont circoncis, probablement. Aux autres juifs. Hein, aux autres juifs qui poussaient la circoncision. Okay? Donc, ils voulaient se rendre agréables à quelqu'un. Et donc, ils voulaient mettre une chose en pratique, ou mettre la loi en pratique, ici dans le cas, pour plaire à quelqu'un d'autre. Pour pas se faire persécuter. Puis là, il rajoute l'autre côté. Ça, c'est le côté, je dirais, positif pour être agréable et en même temps, pas se faire persécuter. La peur du rejet. Il ne voulait pas être rejeté. Parce que les Juifs, qu'ils ne voulaient pas se faire circoncire, ou que les. Souvenez quand Paul est allé à Jérusalem à un moment donné dans les Actes, ils le tuent quasiment. Les Juifs le tuent quasiment parce qu'ils disent qu'ils prêchent aux Juifs de ne pas se faire circoncire. Ils prêchent contre la circoncision. C'est pas leur jamais. Prêcher contre la circoncision. Il faisait juste dire aux païens qu'ils n'avaient pas besoin de se faire circoncire. Mais pour les Juifs, c'était un scandale. Même les Juifs chrétiens, c'était un scandale. Puis Jacques va dire, Paul, va au temple, fais des sacrifices afin que les Juifs qui sont ici, qui sont chrétiens, voient que tu n'es pas contre la loi. Puis, selon ce qu'on lit, certains ont, avec Jacques est appelé le pur dur des Juifs qui était fort ce côté-là. Il voulait continuer à pratiquer leur tradition juive, même si c'était chrétien. Je ne dis pas que Jacques a dit qu'il était sauvé à travers ça, mais il y avait une tendance dans cette direction-là. Et certains hommes sont partis avec l'idée, pour être acceptés, pour être trop persécutés parmi les Juifs. C'est comme nous autres en tant que catholiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plaire aux catholiques, puis pas être rejetés par les catholiques, pour pas être persécutés pour eux autres. Des fois, on pourrait faire des choses. Puis, c'est quand? On ne dirait pas pour être sauvé, mais des fois, pour être accepté, pour ne pas être persécuté. Faire attention. Parce que les autres, ils vous demandent de vous faire circoncire afin d'être agréable et de ne pas se faire persécuter. Donc, c'est vraiment faire attention. Les autres, mais Paul dit, vous allez trop loin. Là. Il y a des places où on peut faire des choses pour ne pas provoquer les gens. Il y a des places qu'on ne peut pas aller. Là. Des choses qu'on ne peut pas faire. Des choses qu'on ne peut pas enseigner. Pour éviter la persécution ou pour plaire à quelqu'un. Donc, il dit, vous êtes mieux d'être persécuté, vous êtes mieux d'être rejeté par les Juifs, vous êtes mieux d'être rejeté par vos familles, s'il le faut. Gardez la foi, tu sais, telle qu'elle est, sans vous... Parce que Max, si, là, je veux te poser la question. Oui. Parce que c'est comme si toi, tu mentionnes qu'il y a des raisons. Mais ici, Marc, bon, tous ceux qui veulent se rendre agréable, tout ça. Après, Marc, uniquement, afin de ne pas être persécuté par la croix de Christ. Non. Donc, ils axent beaucoup que c'est la raison majeure. Oui. Parce qu'ils ont peur. Oui. C'est donc, c'est la même pièce de monnaie, c'est avec les deux facettes. Mmh. Un, tu veux te rendre agréable. Si tu te rends agréable à quelqu'un, il ne va pas te persécuter. S'il te persécute, c'est parce que tu n'as pas fait quelque chose pour être agréable. Mmh. C'est les deux fesses. Les deux, du côté positif, négatif, la même pièce de monnaie. Mmh. Et c'est très... C'est un besoin très fondamental de l'être humain, d'être accepté. C'est très, très fondamental chez l'être humain. On veut être accepté parmi les gens qu'on vit. On appelle ça la peer pressure en anglais, la pression des pères. On dit ça sur les adolescents, la pression des pères, ils vont s'habiller, ils vont faire un paquet d'affaires pour que les autres les acceptent, mais c'est pas juste les adolescents. On appelle ça la crise de l'adolescent, moi, j'appelle ça la crise de l'être humain, point, à la lettre. On est toujours... Puis dans nos églises, on est prêt à faire un paquet d'affaires, des fois, pour ne pas être rejeté. Il faut faire attention dans ce sens-là. Et pour ne pas aller dans la direction que... pour éviter la persécution, qu'on ferait un compromis avec l'Évangile. On fait des compromis avec l'Évangile. Quand j'étais en Abitibi, à plusieurs reprises, on m'a invité à aller faire partie du mouvement œcuménique. Mm-hmm. On voulait que je fasse partie. Avec des chrétiens évangéliques étaient là. Des gens qui étaient... il y avait des baptistes, il y avait des frères, il y avait des mennonites, il y avait des catholiques, bien entendu. Donc, tout ça était ensemble, puis ils faisaient des réunions ensemble. Puis ils m'invitaient, puis moi je disais non, pas capable, je ne peux pas aller là. On n'est pas, je ne peux pas m'adresser à Dieu, puis comme si on était tous des frères et sœurs dans la foi, puis on ne l'est pas. On l'est pas. Si les catholiques n'avaient pas été là. Ah, là, c'est une autre histoire. Okay. Le mouvement œcuménique, c'est de rassembler tous les mouvements religieux du monde C'est pas de rassembler les évangéliques, c'est de rassembler tous les mouvements religieux. Ouais. Autant comme qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Mais ça, c'est une attitude personnelle. Mais, ben, c'est pas, c'est parce pas que moi, biblique, ça, je veux dire. Non, à moins que tu fasses un compromis avec la vérité. Ah oui, exact. Parce que moi, j'ai dit, si je m'en vais en avant puis je prêche l'Évangile, ils vont-tu m'accepter? C'est ça que j'avais demandé aux gens qui m'avaient invité. Je dis, mais oui, mais qu'est-ce que faut que tu caches là, pour qu'ils t'acceptent? Qu'est-ce que faut que tu dis pas là, pour qu'ils t'acceptent? Mm-hmm. Parce que si tu prêches l'Évangile pur et dur, ils vont finir par comprendre que tu es sauvé par la foi seule, sans les œuvres, sans les œuvres. T'es pas sauvé par les saints, t'es pas sauvé par l'intercession de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Jésus est le seul médiateur. Il va falloir que tu le dises à quelque part hein, dans ton Évangile. Mais est-ce que. On laissait tomber ces choses-là. On faisait juste préciser que Jésus est mort sur la croix pour sauver le monde. Mm-hmm. Puis les catholiques aussi disent ça. Mais, ouais. Mais ils rajoutent d'autres choses par-dessus. Là, maintenant, on faisait attention pour ne pas parler de ces choses-là. Mais moi, tu parlais juste de ce qu'on a en commun. Oui, oui. Puis là, puis moi, ça, j'ai de la misère avec ça un petit peu. J'ai de la misère. Je n'embarquerai pas là-dedans. Parce que c'est trop facile de glisser. Après ça, puis, j'ai dit, j'avais demandé au frère, quand ils se mettent à prier, Marie, tu fais quoi, là? Tu fais-tu ascendant de ne pas dire un mot? Tu sais, c'est où t'arrêtes? C'est, je dis où t'arrêtes? Il ferait ça, là? Ça serait ça, il ferait? Les autres, ils font là-bas, oui. Ils faisaient là. Ils prient Marie? Ben oui, parce que les catholiques, les autres, ils prient à Marie. Ils prient à Marie dans cette réunion-là. Mais tout le chrétien, les autres, on ne prie pas dans ce temps-là. Oui, mais c'est pas. C'est jouer sur le bord de l'angle. Moi, j'appelle ça jouer sur le bord de l'angle. Fais attention. J'ai pas dit de ne pas y aller, c'est vos non. affaires. Mais dis-moi, je n'irai pas. Ouais. Ça se peut que ça soit nos motifs. Pourquoi qu'on y va? Oui. Je pense qu'ils sont à considérer dans les choses. Peu importe, même toi, mettons moi qui oui. compte, mes motifs aussi sont à considérer. Oui, oui. Mais oui. C'est ça. Moi, c'était juste la question où est-ce que je mets la ligne ouais. pour garder la vérité de l'Évangile. Ouais. Puis pas laisser sous-entendre à ces gens-là qui sont corrects. Moi, ce que j'ai ça, fait par après, ce que j'ai parlé avec ces gens-là, après, les gens qui étaient impliqués, puis d'autres, ils pensent qu'ils sont chrétiens comme nous autres. Mais oui. Il dit. Si je m'en vais prier avec toi, puis que tu m'acceptes, puis je t'accepte, on est frères, on prie, prie le même ouais. Dieu. Donc, et puis moi, je crois qu'ils n'ont même pas de relation avec Dieu, ces gens-là. Donc, je ne peux pas prier avec eux autres. Ils sont ennemis de Dieu. Ils ne peuvent pas prier Dieu. Donc, mais là, tu parles, tu as eu une réunion avec des frères, moi, avec des morts, des ménonites, des frères. Bon, c'est qui, là, qui a béni Dieu là-dedans? Là, c'est catholique. Pas catholique. Okay. C'est catholique. Les catholiques ne croient pas l'Évangile comme nous. Ils croient à l'Évangile des œuvres, sont sauvés par les œuvres, Jésus-Christ et les œuvres. Et donc, les autres, ils nous invitaient à faire ensemble. Oh, j'ai le compte de compagnie. Pour, parce que moi, j'ai dit, c'est trop. C'est comme si je m'en irais avec les témoins de Jéhovah, puis là, on dirait, oh, c'est encore plus dur avec les témoins de Jéhovah. Parce que les autres, Jésus n'est même pas Dieu. Donc là, je me dirais, wow, où est-ce que. On parle de Dieu, moi, puis lui, ensemble, de Jésus, puis on va voir que c'est le même, c'est pas le même. Mais dans les catholiques, ça se peut-tu qu'il y en a qui soient sauvés? Pas s'ils sont catholiques. Si on a la foi catholique, ils ne peuvent pas être. Moi, s'ils croient ce que croient des catholiques. Je pourrais jamais dire ça. Je pourrais jamais dire si quelqu'un est sauvé ou pas, qu'il soit catholique. Mais la je te dis, s'il a la foi catholique. Je ne dis pas si lui, il est d'un arrière-plan catholique. Je dis s'il a la foi catholique. Parce que la foi catholique, c'est tu n'es pas sauvé. Quiconque croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui est sauvé sans les œuvres, est un anathème. Donc, il ne peut pas croire. Il peut pas être sauvé s'il croit ça. C'est quoi ça? Les gens qui sont sauvés. C'est parce qu'il y a un paquet de gens qui se disent catholiques, mais ils ne croient plus à l'Église catholique. Ouais. C'est ça que je te dis. Moi, okay. Si tu crois à l'enseignement catholique. C'est comme les Américains, il y en a beaucoup qui sont évangélistes. Mais ils vont voir parce que c'est toute la génération ouais. des Américains, ils sont tous newborn, tout ça. Ouais. Mais il y en a peu qui. Sauvés, donc, c'est pour ça que je dis que. Je te dis pas que quelqu'un qui se dit catholique. Ou qu'un arrière-plan catholique ne peut pas comprendre l'Évangile. Je te parle ceux qui ont la foi. Comme si je dirais, tout témoin de Jéhovah qui croit à l'enseignement témoin de Jéhovah ne peut pas être un croyant. Il ne peut pas parce qu'ils sont contre Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, il ne peut pas être sauvé. Donc, c'est ce que je te dis. Mais si tu me dis, est-ce que tu crois que quelqu'un qui a été élevé catholique, il pratique-tu encore? Tu penses-tu que quelqu'un est sauvé puis qu'il se vire de bord, fait chasser une messe pour s'en aller puis qu'il sort du purgatoire? Parce que tu rentres dans des détails, là, c'est sûr, c'est normal que ce que tu dis, mais il y en a qui sont, je pense qu'ils ont un bon cœur, puis je pense qu'il y en a qui sont avancés vers Jésus, qui ne font pas des lampions, mais qui sont nés dans une peut-être une paroisse catholique. À un moment donné, ils ont allumé sur Jésus-Christ. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, personnellement, qui sont catholiques de foi, okay. qui croient à l'Évangile dans le sens que Jésus est leur sauveur personnel. qui n'ont pas besoin de mettre les œuvres en pratique pour être sauvés. Et tout ce que j'ai rencontré à date, croient que Jésus-Christ est le sauveur du monde, ils croient tout ça. Mais en même temps, ils sont sauvés par la vie qu'ils font, pas par la grâce seulement. Donc, c'est là que tu dis, où est-ce que tu tires ta ligne en tant que chrétien, en tant que de vérité, je devrais dire ça plutôt, en tant que vérité. Et là, on dit, oh! Et ça devient très... parce que 90% des catholiques d'arrière-plan vont dire qu'ils croient que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Mais est-ce qu'il est leur sauveur personnel? Est-ce qu'ils ont la conviction d'être sauvés? Moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement encore, en 30 ans. Donc, c'est des gens qui ils peuvent être très fervents religieux. Mais de là à dire qu'ils ont la foi qui sauve, c'est une autre histoire pour moi. En tout cas, c'est vrai que je me dis pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça pour faire mon évangélisation? C'est là que je posais à ces gens-là, ces chrétiens-là, pourquoi j'ai besoin de ces réunions-là œcuméniques pour faire mon évangélisation? Parce que le but qu'ils nous donnent souvent, c'est qu'ils veulent atteindre ces gens-là pour Jésus-Christ. Mm-hmm. Est-ce que j'ai besoin de ça pour faire mon évangélisation? Je peux faire mon évangélisation autrement, sans faire de compromis avec la vérité. Si tu fais un compromis avec la vérité pour faire l'évangélisation, moi, je suis peut-être un petit peu sur le bord de la ligne de tomber d'un bord ou l'autre. C'est ça, faire. Compromis avec la vérité, je parle. Parce que la problématique, c'est que tout le monde pense qu'ils ont la vérité. Ouais, c'est mais ça la vérité, problématique. C'est tout le monde dit. Parole c'est de Dieu. Oui, certain. Mais c'est mais l'interprétation. Les catholiques, s'ils disent qu'ils ont la vérité, ils ne peuvent pas nous le prouver dans la parole de Dieu. Parce que pas parce qu'ils ne la connaissent pas, parce que s'ils la lisaient, ils verraient que ce qu'ils croient, puis ce qu'il y a décrit là, il y a une différence. Il y avait un monsieur avec nous autres, c'était en réunion, juste avant que tu commences à venir, il y avait un monsieur qui venait en réunion. Ah, oui. Et un ancien prêtre pendant 25 ans. Puis un moment donné, il nous a dit, moi, je ne crois pas à ce que vous dites comme ça. On croit en Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais on croit qu'on est sauvé par nos œuvres aussi. Donc, tu vois-tu, de catholiques très fervents, très impliqués, mais ils ne croient pas à celui par grâce seulement. Mais c'est pas... Moi, j'entends des chrétiens dire qu'il faut soit être sauveur et seigneur. Oui. Donc, si tu n'as pas les œuvres, tu n'es peut-être pas sauvé. J'entends des chrétiens dire ça, dernièrement. Puis j'ai lu un livre qui parle de ça. Seigneur. Ça ressemble à ça un peu. Si. Moi, je n'appellerais pas ça les œuvres, j'appelle ça ressemble. Le fruit. Non? Ben, genre qui dit le mot œuvre. Oui, la foi sans les œuvres est mort. La foi sans les œuvres est mort. Ça ressemble des fois. Ben, c'est les vocabulaires qui. Hein? Je sais bien que les catholiques utilisent ça, la foi sans les œuvres est mort, pour prouver qu'il faut les œuvres pour être sauvé. Mais les chrétiens aussi. Non, je ne crois pas qu'un chrétien va dire qu'il a besoin des œuvres pour être sauvé. Non. Ouais, pas mais que les œuvres sont la manifestation de la foi. Démontrent qu'il y a eu la foi. La question qui est que Dieu est sauveur et Seigneur? Mm-hmm. C'est quoi qu'elle veut dire, cette question-là? C'est ça que ça veut dire? Non? Non, pas pour moi. Pas pour moi. Non. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, parce que Mais quand on étudie ce titre, là, titre, c'est l'épître des œuvres, des bonnes œuvres. Okay? Okay. Il parle juste parler de ça des bonnes œuvres. Okay. Mais Paul dit, on va voir ensemble, mais il a dit, nous enseignons que nous sommes sauvés sans les œuvres. C'est clair. Mais il dit qu'il faut faire des bonnes œuvres. C'est ça. Mais il dit qu'on n'est pas sauvés par les œuvres. Mais c'est pas ce qu'on. Mais les œuvres démontrent qu'on l'est. Ils sont là. Sont là. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est presque mais il dit, si tu n'as pas les œuvres de la foi chrétienne, il dit, tu n'as pas la foi selon la piété. Tu n'as pas une foi qui est selon la piété ou selon l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que là, si tu as cette foi-là, il y a des œuvres qui en découlent automatiquement. C'est ça, qui vont se faire. Qui vont se faire, qui sont là dans la vie du croyant. C'est pas qu'il faut faire, c'est non. Qu'ils vont se faire. C'est ça. La différence, c'est si quelqu'un dit que j'ai besoin de faire de quoi pour être sauvé. Mais la question est-ce que savoir, vu que c'est un processus, il y en a qui sont au début du processus, il y en a qui sont plus avancés, tu sais, c'est une croissance. Oui. Tu sais, t'es pas chrétien, tu sais, je veux dire, t'arrives pas bing-bing, là, c'est comme un cheminement. Alors, mais... ceux qui sont au début du cheminement, qui sont plus lents, mettons. Je crois qu'il y a. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de manifestation d'œuvre, parce que selon leur potentiel, peut-être aussi, qu'est-ce que Dieu leur a donné comme don, tu sais, peut-être c'est plus lent. Puis il y en a d'autres, c'est très explosif. La croissance, les fruits sont très démonstratifs. Mais porte à avoir une meilleure sanctification, mais c'est Dieu le juge peut-être pas comme ça aussi. Non, là, moi, je suis pas en train de parler de la sanctification. Mm. Je suis en train de parler du but des œuvres que tu fais dans ta vie chrétienne. si tu lui donnes une, si tu leur donnes une action salvatrice, c'est pas biblique. Si tu leur donnes une manifestation de sanctification, très d'accord avec toi. Mais si je dis que les œuvres que je fais me sauvent, me justifient auprès de Dieu, me sauvent, là je te dis ben, non. Moi je reviens encore avec ça, j'ai entendu des chrétiens dire, lui je suis pas sûr qu'il est sauvé parce qu'il n'y a pas les œuvres. Voilà, ça je l'entends. Oui, c'est la même chose. Non, je sais que c'est pas la même chose. Mais le chrétien qui dit ça, il s'en va peut-être dans cette direction-là. Je dis que ça peut aller, des fois c'est si on commence à dire, je me demande s'il est sauvé parce qu'il n'est pas assez un bon chrétien. Ouais. OK, là, c'est un problème. Là, on a un problème de compréhension. Okay? Ouais. Donc, je ne crois pas qu'on devrait dire ça. Je crois pas que la Bible parle de ça. On va en parler tout à l'heure. Juste l'autre après, où ce qu'il dit, qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nouvelle créature, c'est quelque chose d'instantané. Okay? C'est quelque chose qui se fait instantané. C'est un miracle. C'est pas un processus, ça. La croissance chrétienne, c'est un processus. La nouvelle naissance, c'est une action souveraine à un moment donné dans la vie. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas croyant. OK? Quand ça arrive, tu as un processus qui commence. Mais si ça ne s'est pas arrivé, peu importe le processus que tu as, tu n'es pas croyant encore. Maintenant, la question, je dirais à la personne, que ce soit chrétien ou catholique ou quoi que ce soit, pour que la nouvelle naissance se fasse, est-ce que j'ai besoin de faire des œuvres ou j'ai besoin de croire? De croire. De me repentir et de croire. Si c'est me repentir et de croire, ça, c'est ça, je crois, monsieur. Mais si je dis, faut que je fasse des œuvres, non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais les œuvres qui vont être là vont manifester. C'est comme je dis aux gens, tu m'entendras jamais dire que j'essaie de me sauver. Je dis tout le temps, je suis sauvé ou j'ai été sauvé. Je dis jamais, j'essaie de me sauver, moi, là, parce que je ne suis pas sûr de te sauver. Non, c'est pas j'essaie, c'est Dieu m'a sauvé ou bien il ne m'a pas sauvé, un des deux. Donc, mais pour être sauvé, là, ta question vient, Michel. Pour être sauvé, les chrétiens qui vont dire, pour être sauvé, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. D'autres vont dire, accepte comme Sauveur, point. Donc là, moi, je dis, personnellement, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou, mais c'est pas ma question. Je répétais ce que j'avais dit. Puis moi, je dis, ou je peux le dire d'une autre forme, une autre façon de le dire, c'est il faut que tu te repentes et tu crois. Tu ne peux pas juste croire. Il faut que tu te repentes et tu crois pour être sauvé. Tu ne peux pas juste croire pour être sauvé. Il faut que tu fasses les deux pas. Repentance et foi. Ou comme Seigneur et croire. C'est la même chose pour moi. Seigneur. Ça, c'est une question de vocabulaire, là, c'est ça. Parce que, mais les deux doivent être là. La question que je perçois aujourd'hui, moi, dans le monde évangélique, c'est qu'on ne parle plus de la repentance. On prêche l'évangile à quelqu'un, on dit « Crois au Seigneur, tu vas être sauvé », mais on ne parle pas de repentance. Donc, j'ai écouté 8 émissions de télévision il n'y a pas tellement longtemps, puis pas une fois ils ont parlé de la repentance. Pas une fois. Ils ont juste parlé de croire en Jésus. Puis j'allais à bien des campagnes d'évangélisation que j'ai assistées. On n'en parle pas. On dit « T'es pécheur, crois au Seigneur Jésus, il va pardonner tes péchés, tu vas aller au ciel. » C'est ce qu'on dit en souvent. Donc, je dis « Où est-ce qu'elle est la place là, de la repentance là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire, cette repentance-là? Et c'est un petit peu de ça que je me pose comme question. Mais ici, il s'adresse à des gens qui disent qu'ils sont croyants. Et Paul leur dit, si tu retournes à la loi pour être sauvé, pour être justifié, tu n'es pas sauvé. Tu as travaillé pour rien. J'ai travaillé pour rien. Christ ne vous sert plus à rien. Tu ne peux pas faire de mélange entre la loi et la grâce. Ça ne se mélange pas. C'est comme de l'eau et de l'huile. Ça ne se mélange pas. Tu prends Jésus-Christ seul pour ton salut personnel ou tu prends la loi seule. Mais tu ne peux pas faire un mélange des deux. Puis à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on voit l'Église qui veut faire un mélange des deux. Les apôtres interviennent à chaque fois pour dire de ne pas faire ce mélange-là. OK, donc, on a vu le verset 12, pour être agréable ou ne pas se faire persécuter, ça va s'en venir ensemble. Donc, dans verset 13 et 14, c'est pour se glorifier. Glorifier. Donc, il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais elles veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Voyez-vous, si les circoncis voulaient qu'on observe la loi par principe spirituel, par amour pour Dieu, ça c'est une chose. Mais Paul il dit, les circoncis eux-mêmes n'observent même pas ce qu'ils vous demandent de faire. Le but, c'est pas de plaire à Dieu. Le but, c'est pas d'obéir à Dieu. Le but, c'est de se glorifier. Donc, il dit, allez-vous vous faire circoncis, allez-vous vous faire retourner sous la loi pour vouloir vous glorifier, vous autres aussi? Parce que je vous garantis, quand vous, pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 2:8, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est toujours... Glorifier, ça veut dire... C'est les gloires. Moi, je suis capable, moi, de trouver bon d'avoir, de réussir certaines parties de la loi. Oui. Puis, en même temps, de dire que je peux glorifier d'une partie de mon salut. Parce que si je rajoute la loi... À cause de moi, si je suis sauvé. J'ai une partie. Ma mère, elle a dit jusqu'à temps qu'elle meure que Jésus avait fait sa part, puis qu'elle, devait faire sa part pour être sauvée. Ça, ça lui est bien. Donc elle avait... Jésus avait de la gloire, mais elle aussi avait une certaine gloire, parce qu'elle avait, elle... de quoi pour être sauvé. Donc, si je fais des œuvres, moi, pour être sauvé, je peux me glorifier automatiquement parce que c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai faites. Donc, c'est pour ça que vous allez voir toute cette hiérarchie dans les mouvements religieux de très saints, saints, puis là, ça descend parce qu'on se glorifie. Là. On élève certains, on abaisse d'autres hein, parce qu'on glorifie la vie de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je me glorifierais de ma vie? Même le chrétien, quand il fait des œuvres, ne devrait pas se glorifier des œuvres qu'il fait. Il devrait donner la gloire à celui qui est fait en lui. Oui. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi. Celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ. Donc, Paul prend tout de suite le temps de dire, ouais, mais c'est pas moi qui a fait ça, là. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Donc, glorifiez pas moi, glorifiez Jésus-Christ. Oui. Mais ici, Paul ne parle pas de sa vie de chrétien, il parle de son salut. Puis il dit, pour lui, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je me glorifierai de rien d'autre que ça. Il dit, par qui? Par Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Le monde est crucifié pour moi, et moi je suis crucifié pour le monde. Donc, il y a une espèce de rupture. Là, hein? Le monde est mort pour moi, et moi je suis mort pour le monde. Donc, il y a une rupture de relation. Là, une rupture, pas dans relation physique, mais... Le monde est dans un côté, avec sa façon de faire, avec ses lois, avec sa façon d'être sauvé, avec sa façon de marcher avec Dieu. Puis moi, je suis l'autre côté, avec Jésus-Christ. OK? T'as Jésus-Christ avec la grâce, et t'as le monde avec ses religions. Il y a juste deux divisions. Dis-moi, le monde, ici, c'est le principe du monde, pas le monde dans le sens, les habitants de Mont-Tremblant sont morts pour moi, puis moi, je suis mort. C'est le principe que le monde est contre Dieu, dans le sens que le monde... va pas avec dans le sens de la foi en Dieu, mais dans le sens de vouloir performer pour que Dieu les accepte. Donc, il dit, moi, le monde est mort pour moi. Moi, je suis mort pour le monde. Donc, il y a une rupture, là. Il dit, la seule chose que je vais me glorifier, c'est la mort de Jésus-Christ pour moi. Je ne me glorifierai pas d'autre chose. Mais il dit, il y a un danger, puis je crois que le danger est très réel. Si je retourne à la loi, je vais me glorifier. OK? Et vous remarquez, plus les gens ont tendance à être légalistes, là, dans le sens, plus ils vont avoir tendance à se glorifier. Plus ils ont tendance à se mettre sur un piédestal. Plus ils ont tendance à voir se remonter comme de quoi ils sont des bons chrétiens, puis les autres ne sont pas des bons chrétiens. Ils vont avoir tendance à s'évaluer avec les autres. Parce qu'ils se sont mis sur certaines formes de règles. Si je veux performer, il y a des dangers que je puisse vouloir me glorifier personnellement. Et c'est ça, c'est une bonne chose à faire comme test personnel. Si je suis en train de me glorifier dans ma vie, de mes performances de femme, d'homme, de chrétien, de peu importe ce qu'on veut faire, je devrais m'interpeller. Comment ça que je ne glorifie pas le Seigneur? Pourquoi je ne suis pas en train de faire ça pour le Seigneur? Je suis en train de vouloir me glorifier. Si je suis en train de vouloir me glorifier, c'est une forme de loi. Parce que je peux mettre la chose à l'envers. Hein? Si je me mets sous la loi, c'est pour me glorifier. Mais si je me glorifie, c'est parce que je suis une loi à quelqu'un? Parce que si je vis sous la grâce, je ne peux pas me glorifier de rien. Je ne devrais pas être capable de me glorifier de rien. Parce que quand je le fais, c'est péché, c'est mal. Parce que c'est, je le sais, je n'aurais pas dû le faire. Parce que je devrais donner toute la gloire à Jésus-Christ. Je prie, je devrais donner la gloire à Jésus-Christ pour que je prie. Je ne devrais pas dire, je prie en heure, moi, tu sais. Il ne faut pas être test avec les autres chrétiens, savoir combien de temps je prie. Tu sais, là, c'est... Hein? Parce que si je fais ça, je suis en train de vouloir me glorifier. Donc, si je suis en train de vouloir me glorifier de ma performance chrétienne, voyons, je suis sur une loi quelqu'un. Voilà, je suis la grâce. Hein? C'est un test inverse. Hein? Paul dit embarquez pas, mais si vous voulez savoir, si vous êtes embarqué, allez à l'envers. C'est un test qu'on peut se faire à nous autres. Mais la sanctification là-dedans, peut-être on s'en vante pas, mais. Bon, si toi tu dis, je vois de la croissance dans ma vie, Je glorifie le Seigneur pour ça tout de suite. Okay? Je ne dois pas commencer à dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai cru, moi j'ai été obéissante, moi je, c'est moi. Moi je dis, plus tu mets moi, plus c'est problématique. Plus je dis il, lui, Jésus, Dieu a fait ça, là c'est moins problématique. Okay? Parce que c'est. Puis je vais remarquer, une de ces craintes-là que j'ai remarqué, nos chants, notre musique depuis 15 ans, dans le mouvement de jeu. On a beaucoup plus de jeu que de lui ou de il qui, dans les anciens cantiques qu'on avait des années 50, 60, 75. On chantait, c'était toujours Dieu a fait, Jésus, Jésus, Jésus, Dieu a fait, Jésus. Non, c'est je t'aime, je t'adore, je te loue, je. C'est toujours le jeu qui revient. J'ai écouté un homme dernièrement, un chrétien, qui prêchait, qui disait, on fait du narcissisme chrétien maintenant. On fait du narcissisme chrétien. On parle de nous autres dans nos chants. Au lieu de parler de ce que Dieu a fait pour nous, on parle de ce que nous on fait pour Dieu. Il dit un danger, là, le danger. Il dit, qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça reflète comme vérité dans mon cœur à moi? Si moi je chante ça. Personnellement, les chrétiens vont me dire, j'aime beaucoup Seigneur Jésus. Il dit, moi j'aime mieux dire que Jésus m'aime beaucoup. Que je dis, moi je dis que j'aime beaucoup Jésus. J'aime mieux dire que lui il m'aime, que moi je l'aime. C'est vrai, je l'aime, mais parce qu'il m'aime, le premier. C'est une réaction, moi. Et la réaction, on ne devrait pas s'en vanter. C'est pas nous autres qui la produit, c'est lui qui est en nous autres qui le produit. Donc, il dit, ceux qui veulent vous ramener à la loi, ils veulent se glorifier. Puis des fois, là, dans notre vie chrétienne, c'est pas toujours. Les gens ne veulent pas nous ramener sur une loi pour être sauvés, mais sur une loi pour performer. Okay, pas pour être sauvés, là. C'est pas tout à fait la même. Là, j'extrapole. Ça se peut-tu aussi, excuse-moi, vu que les églises chrétiennes, c'est tout basé sur le bénévolat. C'est sûr qu'il faut être sollicité pour faire des actions, des ministères, puis que souvent, quand on parle de que les gens viennent dans l'ancienne alliance, là, la circoncision, souvent, les gens veulent, ils pensent qu'en performant dans les ministères, en étant impliqués dans l'autre ministère, tu sais, que peut-être, tu sais, il y a comme ce côté-là aussi. Oui, je crois qu'on doit s'encourager mutuellement Des fois, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de membres. Moi, j'ai entendu un pasteur qui dit, François, si on ne fait pas ça, les chrétiens ne feront rien. J'ai dit, t'as raison, ils ne feront rien. Mais j'ai dit, peut-être que tu pourrais motiver autrement qu'ils fassent la même chose. Mais c'est vrai que c'est une minorité, c'est un pourcentage, c'est comme le 15%. Quasiment. Mais lui, là, il disait que si... on parlait à ce moment-là de la perte du salut. Il dit, si les chrétiens n'ont pas peur de perdre le salut, il faut prier. Lui, il menaçait presque tout le temps. Lui, il n'a pas dit ça, mais il a sauvé sa graine. C'est encore lui, il disait, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu n'es pas un bon chrétien, puis tu ne seras pas béni, tu n'auras pas de récompense. Moi, j'appelle ça marcher au fouet. Des fois, j'ai peur d'aller trop sur l'autre bord. J'ai peur d'aller trop sur l'autre direction. J'ai tellement peur que les chrétiens performent pour des choses qui se passent dans l'Église que des fois j'ai envie de rien faire. Pour pas qu'ils performent pour ce qui se passe dans l'Église, mais qu'ils performent pour l'amour qu'ils ont pour Dieu, tout simplement. Viens pas à l'Église parce qu'il y a un ministère quelconque, viens pas à l'Église parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, viens à l'Église parce que t'aimes Jésus, point à la lettre. Mm-hmm. Tu t'en vas dans le bois, il fait 40 moins 0, c'est pas ça que notre cas, mais je vais y aller pareil. Parce que si je vais pour le Seigneur Jésus, je vais pas parce qu'il y a d'autres choses. C'est le Seigneur Jésus qui m'attire là, c'est pas ce qui se passe là qui m'attire. Ça, c'est vrai. Mais il y a des matins que je filais pas bien, mais à cause j'étais impliqué dans le ministère, qu'il fallait que j'y aille, j'entendais le prédicateur parler de la parole de Dieu qui tuait mon cœur. Mais tu vois, je suis d'accord, ça. J'allais pas par amour, mais ça garde les enjoints, tu sais, dans mon. Moi, Michel, c'est dans ma position, une fois, il y avait un frère qui avait dit ça, ce que tu as dit là, puis j'allais dire, c'est chez lui ce matin-là. Moi, c'est ma position, ça. Parce que pour moi, je me dis. Pas la mienne. Parce que moi, je dis, reste chez toi, puis pose-toi la question, pourquoi ça ne me tente pas de venir? Pas, toi, t'es indifférent à ça. Et pourquoi ça ne me tente pas d'aller à l'église ce matin? Puis c'est comme si. J'avais dit comme exemple, si tu vas voir ta blonde puis tu dis à ta blonde, ça ne me tente pas de venir, mais des fois je suis venu, ça m'a fait un petit bonheur. Comme tu n'as jamais entendu ça, l'histoire, souvent, mettons un couple, elle est impliquée dans le ministère, souvent, dans le char, on se poigne, on stresse, on avait les enfants, mais ça veut dire qu'il faudrait revenir à la maison. Non, c'est pour ça je parle, Je parle que. C'est pas que j'ai une difficulté là, de relation, puis là, je me suis pogné avec ma femme le matin. Oh. C'est que ça ne me tente pas d'y aller. Ça ne me tente pas là, pour pour une raison, et je dois m'évaluer. Si c'est parce que je me suis créé avec ma femme, bon, je peux y aller pareil, pour ça, c'est pas grave. Mais si ça ne me tente pas, parce que c'est avec Dieu que j'ai un problème, c'est là que je me pose la question, pourquoi ça ne me tente pas? Pourquoi ça ne me tente pas d'aller voir ma blonde ce soir? Si c'est parce qu'il y a une game de hockey, que c'est la Coupe Stanley, ou ben non, si c'est plate, parce que quand je vais la voir, ça dépend de c'est quoi la raison. Et moi, je me dis, je ne dis pas que les chrétiens n'ont jamais de vagues, là. Mais je dis que je vois ma perception présentement dans l'ensemble, c'est qu'on va à l'Église pour ce qui se passe à l'Église, plus que pour Jésus lui-même. C'est ce que j'ai peur personnellement, de ce que je vois présentement. Et je me dis, pourquoi est-ce que... Parce que ce que j'entends, je ne vois pas cette Église-là parce qu'ils n'ont pas tel ministère, je ne vois pas cette Église-là parce qu'il n'y a pas de musique, je ne vois pas cette Église-là. Wow, wow, wow, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Pour moi, dans ma tête, c'est quoi l'affaire? Je vais-tu choisir l'église qui me donne le plus de services possible? Ou alors, si je vais aller à l'église où est-ce que je peux rendre le plus de services possible? Je crois qu'il y a une maturité là, qui joue hein, là-dedans, mais en même temps, il y a un risque là. Il y a un risque pour moi dans ma tête. Que, c'est pour ça qu'on va dire, avec général, tu as certainement entendu ça à travers les années. Oh, ces chrétiens-là se sont froidis. On entend toutes sortes de synonymes. Le vocabulaire, ça. C'est ouais. Le vocabulaire. C'est ton vocabulaire. Mais sont tièdes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, à ce moment-là? Là, je me pose la question. On va-tu à l'église juste parce que c'est dimanche qu'il faut bien y aller, parce que c'est dimanche? Qu'est-ce que les pasteurs vont dire? J'ai un ministère, comme si. Qu'est-ce qu'on fait, là? Et je me pose la question, personnellement. Donc, je me dis. Je veux faire les choses pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. La loi ne glorifie jamais Jésus-Christ. Jamais. Si je fais quelque chose dans l'Église, puis c'est pas pour la gloire de Jésus, par amour pour Jésus, je suis en train de performer pour moi-même. Moi, une fois, quand j'ai fait mon burn-out, il y a une dizaine d'années, 10, 12 ans, oh, ça fait peut-être plus que ça, c'était en 80, je ne sais pas qui, en 90, quelque chose. Je me suis rendu compte que il y a la moitié du travail que je faisais pour Dieu que je disais que c'était pas Dieu qui me l'avait. Mm-hmm. Ben pour qui je le faisais? Si pour c'était toi. Pas. Pas moi. Pour me valoriser, pour me glorifier, pour m'élever, pour plaire aux gens, pour accepter ouais, pour les gens. Il y a toutes sortes de raisons. Je ne disais pas que je faisais ça pour être sauvé. Ouais, non, je ne disais pas ça parce que je suis chrétien et je ne crois pas que je le faisais pour être sauvé. Mais il y avait toute une autre raison pour que je le faisais, qui n'était plus Jésus lui-même. Vous avez, ça, dans les relations humaines, on fait le même problème. C'est que c'est plus je fais un paquet de choses pour ma femme, mais c'est plus ma femme le focus de ma relation. Je fais un paquet de choses pour ma femme, mais c'est plus ma femme. Oui, j'ai toujours fait ça pour toi. Ouais, mais on n'a plus de relation ensemble. Genre, m'en fous tout ce que tu fais pour moi. Entre moi et toi, comment ça marche? Avec le Seigneur, c'est la même chose. Je peux faire un paquet de choses pour le Seigneur sans être en relation avec le Seigneur. Et c'est là qui est le plus important. C'est être en relation avec le Seigneur. Ce que je fais pour lui, c'est important, mais c'est secondaire. Si j'ai une bonne relation avec lui, ce que je vais faire, je vais le faire pour lui. Mais je peux faire un paquet de choses pour lui, puis je ne suis plus en relation, donc je ne le fais plus pour lui, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, je le fais pour être accepté, je le fais parce que j'ai un ministère, parce que j'ai un salaire, parce que... Moi, des fois, je me dis, François, tu travailles-tu pour ta paye, là? Je me pose la question, travailles-tu pour ta paye? Parce que là, tu travailles juste par amour. Si on t'enlevait ta paye pour une raison quelconque le matin, tu continues-tu à faire le même ministère? Tu continues-tu à faire la même chose? Ou alors, si tu dis, j'ai besoin de travailler pour vivre, là, je te mange. Mais je vais-tu continuer maintenant sur savoir, bon, c'est plate, maintenant je fais plus ça. Si je fais plus ça. Ça m'intéresse plus. Non, il faut que ça continue. C'est pas pareil. Je peux changer de maison, mais qu'on soit avoir une bonne relation avec ma femme. On n'a plus le même genre, on a perdu notre genre, mais on a notre relation. Vous avez déjà entendu ça? Quand les enfants partent, les couples ont des problèmes. Pourquoi? Il n'y avait plus de relation. Il y avait une relation à travers les enfants. C'était plus le couple qui était important, c'était les enfants qui étaient devenus importants. Et là, quand les enfants partent, ils ont des problèmes épouvantables parce qu'il n'y avait plus de lien ensemble. Puis moi, je vois la même chose dans nos églises avec le Seigneur. Si on ne fait pas attention, on devient en amour avec l'Église. Au lieu d'être en amour avec le Seigneur. Une relation sociale que l'autre. Ouais. C'est en amour avec l'Église plutôt qu'avec le Seigneur. Il faut faire attention. Que le Seigneur nous garde dans ce sens-là pour dire, où est-ce que je suis rendu? Puis il y avait un vieux pasteur qui m'avait dit ça. Il dit, François, il dit, de temps en temps, lui, il dit à tous les ans, on fait dit comme. Il dit, arrête-toi, va-t'en à une place tout seul pendant une semaine, puis interroge-toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu le fais? Tu sais, casse le beat. Puis arrête-toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais. Si tu es encore par amour pour le Seigneur, tu sais, c'est-tu par amour? T'es tellement, t'aimes tellement Jésus, t'es tellement reconnaissant de ce que tu as fait pour toi, tu veux faire de quoi pour lui? Mais non, tu l'as perdu de vue à quelque part. Tu sais, il y a tellement de choses que tu perds de vue. Puis moi, comment est-ce qu'on appelle ça, dans nos retraites de pasteurs, c'est toujours ça qui revient comme sujet d'enseignement souvent. On est-tu en train de s'occuper du Seigneur en premier, là? Maintenant, on s'occupe de l'Église en premier. Ça revient, c'est le danger du ministère. C'est le danger du ministère. On est pogné par le ministère au lieu d'être pogné par le Seigneur. C'est pas juste les pasteurs, c'est tous les chrétiens qui sont comme ça. C'est dans ce sens-là. Donc, Paul, il dit, il veut que vous fassiez circoncire pour se glorifier. Et donc, il dit, moi, je me glorifie juste du Seigneur Jésus-Christ, de la croix, et non pas de la loi. Les autres versets, il dit, faites pas ce conseil parce que ça sert à rien. Verset 15, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, si tu es une nouvelle créature, tu as la paix et tu vas avoir la miséricorde de Dieu. Il dit, la paix et la miséricorde est sur ceux qui suivent cette règle. La règle de quoi? D'être une nouvelle créature. Ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Si tu suis la règle d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ, de glorifier en Jésus, tu as la paix et la miséricorde avec Dieu. Tu es avec Dieu. Mais si ce n'est pas ça, tu es bien mal pris, mon John. Tu es bien mal pris. Donc, il dit, attention de faire ça parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour le salut, je parle. Hein? Paul n'était pas contre le fait de circoncis. Il a circoncis Timothée pour l'évangélisation parmi les Juifs. Mm-hmm. Pas pour être sauvé. Hein, tu sais? Ou que Paul pouvait faire la même chose que l'autre, mais pas pour être sauvé. Pour être accepté parmi les Juifs. Tu vois, hein? Moi, je pourrais mettre n'importe quoi, un turban sur la tête. Si on me dit que tu m'en prends un pour parler à un musulman, moi, m'en mettre un. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est comme si j'irais à mes sites aux apôtres de l'amour infini, puis on dirait, François, si tu veux rentrer ici, il faut que tu prennes du temps de brune pour rentrer pour nous parler. Je vais vous en mettre une, si tu en brune, ça ne me dérange pas. Je vais me faire raser, je vais y aller. Ça ne me dérange pas. Si c'est ça que je veux faire comme ministère, pas pour être sauvé. Pas pour être sauvé. Ici, la question, dans l'Épître aux Galates, si on perd ça de vue, que Paul parle de tout ça pour être sauvé, on va partir croche. Là. Ce qu'il est en train de dire, si vous faites ça pour être sauvé, si vous performez dans la loi pour être sauvé, si vous faites des œuvres dans la chair pour être sauvé, vous êtes complètement à côté de la coche. Jésus-Christ ne vous sert pas à rien. Et si Jésus-Christ ne vous sert à rien, vous n'êtes pas sauvé automatiquement, parce que c'est Jésus-Christ qui sauve donc automatiquement dans ce sens-là. Donc c'est un peu de nous aider à garder la vérité, moi j'appelle ça pure et dure. Et qu'on veut se transmettre à l'autre génération la vérité. Je ne veux pas transmettre une belle bâtisse, je ne veux pas transmettre une belle école chrétienne, je ne veux pas transmettre ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si on ne leur transmet pas la vérité, l'Évangile, tout à l'heure tu disais, aux États-Unis, 50% des gens se disent born again Christian. À quelque part, on sait que ce n'est pas la réalité. Mais pourtant, ces gens-là, ils ont perdu l'Évangile la semaine dernière à quelque part. Ils ont perdu l'Évangile à quelque part. J'ai assisté à certaines réunions là-bas, là. Ils ont baptisé un petit gars une fois, il a 5 ans. Il a fait profession de foi à l'école du dimanche. Il avait levé sa main. Puis quand ils l'ont amené au baptême, là, parce qu'il y avait des baptêmes tous les dimanches matin, ceux qui avaient été sauvés dans la réunion, ils baptisaient tout de suite. Le petit gars, quand ils l'ont amené sur le bord, il dit « Oh non, pas ça, je veux pas! » Ils l'ont baptisé pareil! Mais ils disaient « Où est-ce qu'ils sont rendus? » Ils comprenaient-tu ce qu'ils faisaient? Pas sûr. En tout cas, s'ils comprenaient, ils ne voulaient pas. Qui m'a conté ça dernièrement, que son enfant avec ça depuis 5 ans, 4 ans. Je ne répète pas où, en tout cas. Mais je ne dis pas que ça se peut pas. Ça peut être une exception, mais au moins, tu gars, quand il est là, on l'a préparé à l'avance, c'est ce que tu es en train de faire. La repentance à 4 ans, là, c'est pas évident. Là. C'est facile d'embarquer motivement dans un ah, tu sais, mais se repentir à 4 ans. C'est pas évident. Hein? Pas évident. On n'en voit pas beaucoup. On voit beaucoup de gens, de jeunes, qui ont fait profession de foi, comme on l'appelle, dans la jeunesse, qui vont tous partir à un moment donné. Puis il y en a d'autres qui vont rester. Moi, j'ai vu une petite fille qui a fait profession de foi à 8 ans. À 9 ans, elle a fait l'avancée pour un appel missionnaire. Puis à 20 ans, elle était commissionnaire, puis elle est partie commissionnaire. Elle a vraiment compris ce qu'elle est en train de faire. Ça, j'ai pas de problème avec ça, moi. J'avais juste le problème au fait que, même si tu ne veux pas embarquer dans l'eau, embarque, mon petit gars. T'sais, on n'a pas pris le temps de t'expliquer, on n'a pas pris le temps de te préparer. Tu gars veut dire non, je ne veux pas, puis tu te baptises pareil, là, j'ai juste un problème quelque part. Mais si tu gars arrive au relo, puis qu'il a compris cet évangile, puis professe sa foi, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça se peut bien qu'il a peut-être pas tout compris, mais au moins, ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais je me dis, où est-ce qu'ils sont rendus pour faire ça? Ils ont perdu quelque chose à quelque part. J'ai vu une église, John MacArthur, tu as entendu parler, quand il est arrivé dans sa grosse église, lui, où il était, à 400, il baptisait plus personne. C'était plus important de baptême. Il baptisait plus personne. Avant, quand lui est arrivé là? Avant qu'il arrive, lui. Quand lui est arrivé, lui, il a ramené ça sur le tapis, ça passait pas été long. Mais lui, là, quand il est arrivé, il disait, il baptisait plus personne. C'est pas important de baptême. Ça ne sauve pas personne de baptême. Donc, automatiquement, il s'est éloigné, là, quelque part. Donc, John MacArthur est arrivé, puis il a ramené ça dans la vérité. Parce qu'il tentait ses limites bien trop loin. Donc, je vous le dis, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. C'est toujours sur une longue période de temps que ça se fait. Mais il faut toujours se motiver, se rappeler, prier, étudier, réévaluer pour qu'on puisse dire l'évangile que je prêche à mes enfants, à mes voisins, aux gens qui sont autour de moi, je veux prêcher l'évangile. Je ne veux pas prêcher une moitié de l'évangile. Ou un autre évangile, que je veux prêcher l'évangile. Donc, l'apôtre Paul, il commence l'épître aux Grecs en disant, même si quelqu'un viendra à vous et qu'il vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit de Dieu. Donc, je ne veux pas prêcher un autre évangile, je veux prêcher l'évangile qui était prêché dans ce temps-là. Et peu importe les résultats, beaucoup de monde sauvé, pas beaucoup de monde sauvé, c'est pas mon affaire. Je veux prêcher l'évangile. Et donc, mon approche, c'est la mienne. Mais l'évangile, c'est la nôtre. Hein? L'évangile, c'est l'évangile de l'Église, c'est pas l'évangile de François. Ça devrait être l'évangile de tout le monde, le même évangile qu'on prêche. Comment on l'a prêché, ça n'a pas d'importance. Chacun de nous va prendre une méthode différente pour le faire. Selon sa personnalité. Sa personnalité, son âge, son éducation, peu importe, ses dons. Mais je dois prêcher l'évangile pour que la personne accepte l'évangile et se convertisse. Parce que c'est l'évangile qui sauve, c'est pas moi. C'est la vérité qui sauve. Si je ne la donne pas, la vérité. Moi, je te dis, Michel, là, puis, je te dis dans des campagnes d'évangélisation, je me disais, si les gens qui ont avancé en avant se convertissent seulement avec ce qu'ils ont entendu, ils ne se sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas tout entendu. Ça dépend de ce qu'ils ont entendu. Ça, je te dis, si ce qu'ils ont entendu en avant, parce que le gars, ce qu'il a prêché là, en 20 minutes, une demi-heure, il n'a pas tout dit. Le gars fait une décision avec ce qu'il a entendu, mais il n'a pas tout entendu. Donc, c'est pour ça que 85%, 90%, 95% des gens qui avancent en avant ne vont repartir et ils vont jamais être sauvés. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Suivi est dur à établir. Mais ils tombent seuls. Ils tombent dans leur milieu, ils sont seuls. Mais on devrait faire attention à ma compréhension, dire avance pour un désir d'aller plus loin. Pas que leur laisser croire que s'ils avancent, ils sont sauvés. Okay? C'est pas que s'ils avancent, ils sont sauvés. S'ils croient l'Évangile, ils sont sauvés. Mais s'ils veulent en entendre plus, ils veulent continuer à changer. Ça, là, c'est comme l'effet. Hein? S'il y en a qui viennent au Seigneur, ça stimule l'Église. Donc, l'Église met une petite pression sur les gens pour qu'ils acceptent, pour que, hey, il y a du monde qui sont venus, amen. Tu sais, ça fait comme une boule de neige. Tu sais, il y a ce côté-là que je déteste, personnellement. Mais qui est là. Je sais que c'est là. Je l'ai fait pendant des années. Ouais. Je l'ai fait pendant des années. Mais on a produit des fausses couches. En fait, parce que c'était pas le bon motif. C'était pas le bon motif. Je devrais pas faire ça pour ça. Je devrais. J'aime autant d'avoir un qui se convertit que 25 qui ne sont pas vraiment convertis. En tout cas, c'est toutes des histoires. C'est dur quand l'Église ne grandit pas. Comme une Église, comme mettons, Nouvelle Vie, je ne sais pas, hein, ça grandit, là, c'est tout capable. Mais il y a des Églises, beaucoup, qui ne grandissent pas. Oui, nous autres, on est en décroissance depuis 4-5 ans ici. On perd du monde qui s'en va, qui se déménage, qui s'en va, qui. Ouais. Mais si ça, ça me démoralise, il y a quelque chose que je ne comprends pas comme il faut. Ben, t'es humain. Non, je suis chrétien humain. Ben, je suis humain. Oui, oui, oui. Mais le chrétien, s'il comprend bien... Moi, j'ai connu des missionnaires, on a tous connu, qui ont été des 10, 15, 20, 30 ans missionnaires. Ça, voit un homme, des fois deux, dans toute leur vie chrétienne. Et ils ont continué toute leur vie chrétienne. Parce que ce n'était pas le nom qu'ils cherchaient. Oui, des convictions. C'était de faire l'œuvre de Dieu. Sans convertir 5 ou 5 000, ce n'est pas moi qui sauve. Moi, j'annonce l'Évangile. Il y en a qui s'aiment, il y en a qui arrosent, il y en a qui... On doit... Mon rôle, c'est de prêcher. Okay? Mon rôle, en tant qu'Église, en tant que chrétien, c'est de prêcher l'Évangile. C'est, je ne sauve pas personne. Donc, pourquoi je me sentirais coupable que personne n'accepte le Seigneur? C'est pas moi qui sauve. Pas moi qui sauve. Moi, je ne sauve pas personne. Oui, mais quelqu'un qui ne parle pas de Seigneur, qui... Ah non, je ne sais pas si je parle. Okay. J'en parle. Okay. Je dis, on prêche l'Évangile. Ouais. Mais... C'est ça. S'il n'y a pas de résultat, c'est les résultats ne dépendent pas de toi. C'est pas moi qui sauve. C'est moi, ça. Je prêche. Donc, je prêche. C'est ça. Si je prêche à 10 personnes, il n'y a personne qui va au Seigneur. Moi, je ne suis pas démoralisé par tout. C'est pas ma responsabilité. J'ai pas été appelé à sauver. J'ai été appelé à prêcher. Mais ça fait quand même plaisir quand quelqu'un est sauvé. Oui, parce que ça nous fait un petit lourd, faire personnel souvent. Puis aussi, c'est une âme qui est sauvée d'enfer. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas ça que je vois personnellement. Pas ça que je vois personnellement. Règle générale. Il y a trop de valorisation personnelle dans le salut des autres. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Moi, je l'ai vécu, moi, personnellement. C'est très stimulateur de dire j'ai conduit 10 personnes au Seigneur cette année. C'est très stimulateur. Mais c'est pas la gloire de Dieu. C'est normal. Ça c'est supposé. Ouais. C'est très stimulateur. Puis là, les gens te tapent dans l'épaule puis ils te mettent en avant de donner des conférences parce que t'es bon, tu as conduit 10 membres, t'es bon. Hey. Le gars qui a prêché à 100 personnes, lui, il est pas bon, lui, là. Pas bon. Voyons donc. On va écouter une histoire, une petite madame. À Vitréville. Moi, j'étais évangéliste à Vitréville. Puis les jeunes, nos seigneurs, puis François, c'est l'évangéliste, puis François, c'est l'évangéliste. Puis... Il y a une petite madame qui était asthmatique, elle était malade au point qu'elle sortait presque plus chez elle. Presque plus. Vers la fin. La fille. Non, la fille. Parce que c'est parce qu'il y a des lumières, je pensais que quelqu'un rentrait. Et c'était. Quand cette femme-là est décédée, on l'a trouvée chez elle, elle était morte dans sa chaise. Okay. Elle avait son livre de prière sur ses genoux. Elle avait un livre de prière sur ses genoux. Elle a prié. Et tous les gens qui étaient venus au Seigneur dans les années passées, les 7-8 années, elle avait tout prié pour ces gens-là. Ah. Elle priait constamment pour ces gens-là. Ah, qui a conduit le monde au Seigneur? Personne. Elle ou François? Mm. Elle? Tout le monde disait que c'était François. Ouais. C'est Dieu qui a utilisé. C'est tout le monde. Tout ça, c'est très rare. C'est impossible, je dirais même, que quelqu'un conduise un homme au Seigneur tout seul. Il y a toujours des centaines de personnes impliquées là-dedans. Des anges, des démons, il y a pas des démons. Non, ben certains ne veulent pas, non? Ah, ok, quand mais dans les gens, là, juste le fait que j'ai une Bible en français à montrer à mon contact, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est qui l'a traduit? Si les gars ne l'auraient pas traduit, j'aurais pu y montrer. Donc, ce gars-là, il est impliqué avec moi là-dedans. Ouais. Le gars qui prie pour moi là-bas, puis le gars qui envoie de l'argent là-bas, ils sont tous impliqués. Là. Alors, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, monsieur Nolet. Vous êtes sur notre bulletin cette semaine à votre église, on prie pour vous autres, à vous des requêtes spéciales. Je marque des noms là, à prier avec nous autres. Et puis quand je vois dans l'Ontario, je leur dis que vous avez conduit du monde au Seigneur. Je leur dis pas j'ai conduit du monde au Seigneur. Vous avez conduit du monde au Seigneur au Québec sans le savoir. Vous avez prié pour eux autres. Vous avez donné pour eux autres. Mais dans le fond, c'est pas plus eux. Non, c'est pas plus. C'est tout ce monde-là ensemble. Dans le fond, c'est Dieu qui a sauvé. C'est Dieu qui sauve. Nous, on est juste des instruments. C'est ça. Ils ont été utilisés par Dieu. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. La réalité, c'est on pense que c'est certaines personnes qui sont capables. C'est pas comme ça qu'on devrait le faire, personnellement. Quand on. Mais peut-être qu'il y en a qui annoncent mieux. Il y a le don d'évangéliste. Il y a des dons. Oui, mais on ne devrait pas le mettre sur le piédestal plus que les autres. Non, parce que ça vient de Dieu. Moi, j'ai remarqué quand quelque chose marche dans une église, là, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les églises veulent le faire. Parce que ça a marché dans une église. Oui, puis ça ne marche pas nécessairement ailleurs. Thomas, que ça ne marche jamais ailleurs. Parce que ça reflète les gens qui étaient dans cette église-là. Les autres, ils avaient la capacité. Puis nous, on essaie de faire la même chose, ça ne marche pas. Puis on se décourage. Ça ne marche pas. Si toi, tu utilises la peinture pour évangéliser, puis moi, je ne suis pas un peintre. Non. Moi, je voyais ouvrir tout le monde à la place. Toi, tu peux te mettre. Moi, je connaissais un gars comme toi qui jouait de la musique, il chantait. Lui, il faisait de l'évangélisation en chantant sur des parcs, il faisait partout. Moi, j'allais essayer. Moi, le parc serait vidé. Parce que je sais pas. Donc, mais pourtant, à cause que lui était capable, on l'invite. On dit, faisons comme lui. Pourquoi qu'on fait ça? Il y a une raison derrière de ça. Il y a une raison. En tout cas, personnellement, c'est un petit choix. L'incrédulité. L'incrédulité. Bien sûr. Les gens veulent. Mais les gens veulent du résultat. En nombre. Mais c'est correct aussi. Moi, j'en veux aussi du résultat en nombre. Pourquoi j'en veux? Mais je veux que ce soit Dieu. Parce que je veux que toutes les personnes que Dieu a appelées soient sauvées. Non, Dieu, je sais que Dieu m'a appelé quoi? Dieu m'a appelé à prêcher. Oui. Mais je veux pas. Nous, on va avoir des nombres. Oui, mais je veux pas nécessairement que le nombre vienne de moi. Mais je veux qu'il y en ait qui soient sauvés. Toi, tu veux qu'il y ait des résultats. Mais je veux qu'il y ait des gens qui soient sauvés. Mais le plus grand nombre au plus vite, que Jésus revienne. Mais que l'Église soit pleine, puis qu'on s'en aille au... Mais c'est, l'Église, c'est une mentalité mais qui... Je ne veux pas que les gens meurent sans être sauvés. Fait que c'est sûr que je voudrais... Oui, ça, je suis d'accord. Puis ils ne mourront pas sans être sauvés. S'ils ont été appelés. Moi, parce que je me dis... C'est parce que quand on fait ça, on a un fardeau sur notre dos qui n'est pas le nôtre. Puis les pasteurs nous en mettent qui n'est pas le nôtre. Je l'ai fait, je l'ai entendu. S'il n'y a pas de monde qui se convertit à l'Église, on t'approche chez les chrétiens. Ouais. On t'approche chez les chrétiens. Qui ne sont pas bons chrétiens, puis ils ne t'évangélisent pas. Hey, j'ai reçu une lettre cette semaine qui nous engueulait. Ils m'engueulaient. Ben, c'est moi qui ai reçu la lettre. Ils nous engueulaient parce qu'on ne voulait pas faire ce que les autres faisaient. Hey, j'ai écrit mon gars, j'ai dit Attends un peu, mon petit chat. Blablabla, les chrétiens sont endormis, ils ne veulent rien faire. Hey! Pourquoi tu me dis ça à François ou à quelqu'un d'autre? C'est pas ton foutu problème. Mais. Pourquoi tu me dis ça à moi, là? Moi. Parce que je veux pas faire ce que toi tu fais. Je veux pas. Voyons donc. C'est quoi l'affaire? Je veux dire, si toi tu fais un ministère, fais-le que tu te bénisses. Que tu te bénisses, puis tu fais un ministère pour le Seigneur. Vas-y, réjouis-toi. Mais que tu m'engueules c'est parce que je veux pas aller voir ton. Parce que c'était la question des contacts. Radio Espoir, là, puis ça fait de même. Là, on m'a envoyé on a des contacts à faire, puis personne ne va s'en occuper, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Hey, je ne t'ai pas demandé de faire ça, moi. Si tu veux le faire, fais-le. Mais pourquoi tu m'engueules? Parce que je ne veux pas embarquer à ton affaire. Pis les gens ne se convertissent pas, puis c'est la faute des chrétiens, puis. Attends. Pas la faute des chrétiens si les gens ne se convertissent pas. Ça peut être la faute des chrétiens s'ils ne témoignent pas. Voilà. Mais là, les chrétiens ont une responsabilité. Ben, si tu me dis ça, je suis d'accord. Ouais. Si tu dis que les chrétiens pourraient témoigner plus, moi je suis d'accord. Mais tu me dis, si les gens ne se convertissent pas, c'est votre faute. C'est pas ma faute. Non, parce que c'est pas nous. Moi, j'ai prêché l'Évangile. Le Seigneur a décidé qu'il ne sauverait pas. Ce que je veux que je te dise. Mais si on ne la prêche pas, l'Évangile. Ah ben là, je vais poser des questions personnellement. Personnellement, moi-même, je te dis, François, pourquoi je ne le fais pas? Okay. Est-ce que c'est possible aussi que dans une église, à cause de la diversité des dons, que ceux qui sont touchés ou sensibilisés par l'évangélisation, c'est possible qu'eux autres aient le don de ce ministère-là, puis qu'eux vont.